Dans la bibliothèque au fond de Canterlot, se trouvait une pouliche qui n'avait aucun pote. Elle voulait pas d'amis, sa vie était bien morte, car son but dans la vie c'est d'être une alicorne. Avec son dragon Spike, elle part à Ponyville, envoyée par Celestia pour se faire des amis. Elle ne voulait pas trop, elle aime goupiner. Mais Celestia est Dieu, faut pas l'énerver. Elle vit Pinkie Pie. Ponyville, une fête de bienvenue. Mais tout ce boucan, ça énervait la nerd. Elle angoissait pour une vieille prophétie. Et ce soir-là, elle se réalise à bout. Et venant de la lune apparut Nightmare Moon. Cette poney s'appelait Twilight Ospaculus. Elle venait pour sauver Equestria. Un jour elle deviendra la princesse de Canterlot. Mais elle doit apprendre la magie de l'amitié. Elle trouva des amis pour retrouver Celestia. Enfermée dans un temple de la forêt Everfree, elle fit face à des épreuves sur l'amitié, mais la jument Séléniac les attendait. Twilight découvrit les éléments de l'harmonie, honnêteté, loyauté et générosité. Rire et gentillesse et enfin la magie. Ces éléments réunis, c'était fini. Elle vainquit Nightmare et sauva la princesse Luna. Et même Celestia, Twilight resta à Ponyville à l'abri pour en savoir plus sur l'amitié. 3 ans plus tard, un désastre arriva. Ses amis avaient changé leur cutie mark. Cette poney s'appelait Twilight Ospaculus. Elle venait pour sauver Equestria. Un jour elle deviendra la princesse de Canterlot. Mais elle doit apprendre la magie de l'amitié. Les éléments de l'harmonie avaient bugué. Heureusement, elle résolut une énigme. Soudainement, une paire d'ailes lui pousse dans le dos. C'est comme si elle avait monté d'un niveau. C'était la princesse Twilight Ospaculus. Elle venait pour sauver Equestria. Elle est devenue la princesse de Canterlot. Elle connaît bien tout de la magie de l'amitié.